Troisième partie. Dans un restaurant. Vous désirez, monsieur? Voyons, est-ce que le potage aux légumes est bon? Oui, monsieur. Excellent. Et la soupe du jour? Très bonne aussi. Et l'œuf dur mayonnaise? Les œufs sont durs depuis 5 jours.